tiens qu'on rêve un peu qui sonne à l'or. Moi le scier en pièces détachées, j'ai mis mon ordonné à son père, avec des instructions d'assemblage. Hey, salut, beignet! Tu t'es déguisé en enfant battu? Super, ton déguisement! Non, j'ai pas eu le temps de me déguiser. Mais je pense que mon père m'a arrangé ça. Hey, on va aller sonner chez le vieux bonhomme. Aïe, aïe, aïe! C'est pas le vieux, ça, c'est un vrai magnet! Sauvons-nous, vite! Hey, v'là une police! Hey, monsieur l'agent, aidez-nous! Oh non, c'est pas une vraie police! Jackie Lallouin!